homme, ça pleure pas. Sais-tu que je porte son nom? Ma date d'anniversaire, sais-tu qu'elle me rapporte son nom? T'as bien compris, c'est pas la fête, tu me verras pas lâcher l'affaire. Crois-moi quand je galette, tu me verras pas lâcher la fève. Bah non, la chanson connaît pas, tu vois pas que la femme tue l'âme. Les yeux rouges de colère, le regard face à moi, tu l'as. Mais rien à foutre quand je partirai, moi je vais des freestyles sur ma tombe. Nos vies, c'est des prisons, je veux plus des démons pour ma tombe. Et merde, on est le 7 mars, et merde, c'est mon anniv. J'en paierai un être cher et j'ai du mal à mon ami. Papa découvre sa mère au sol, découverte macabre. J'en soufflais pas de bougie, j'en prierai seul et dans la cave. On se privera pas de bouger, ce soir ça brillera dans la cape. On gagne même un concours, le ciel m'envoie le sourire. Ouais car je dis c'est pas Cancun et j'assumerai l'enterrement. Perdu sur ma planète et vu d'ici bas l'enterrement. Quentin, pourquoi tes joues sont sèches? Pardonnez, j'en plus rien, pourtant pas les regrets sont chers. Je les vois tristes et ça me fait mal. Je les vois prier le Christ si tu savais ce que ça me fait mal. Et là j'ai mal comme un tas d'hommes. Devrais-je faire la même, me mettre à genoux sur le macadam? M'éclater les rotules à force d'enterrer mes cadavres. J'en connais le chant du mort et même la route que je borderai. Ouais, ma tête déborde de rêve, j'en ai même la malade dérive. Pourquoi je me rends malade et donne mon cœur à Vladérim? Parce que personne me comprendra. J'ai compris chacun sa route quand t'as compris que moi j'ai tant de rage. Et puis toi qui connais ça, derrière mon sourire, dis-moi si j'suis bien méconnaissable. J'galère à le dire avant de l'écrire, j'me sens même exister. J'en vendrai mes écrits sans pour autant mec insister. Pourtant j'y mets du cœur et puis celui-ci bah c'est de l'or. Mon vécu puis ma colère vaut bien plus que vos dollars. Et j'en ai marre de tous ces man. Pardonne-moi papa si je le raconte là tout ce mal. J'ai besoin d'écrire mes cicatrices, un peu noyer ma plume. On efface pas des trucs atroces et souviens-toi qu'on est des hommes. Trop peu de larmes versées, on parlera pas des gars des eaux. Nos vies ne se comparent pas, j'ai pas d'égal moi chez les autres. Chacun sa douleur et je peux pas te raconter la sienne. Mes sourires cachent beaucoup, y'a mes démons qui font la sieste. Alors big up à mes collègues qui pardonnent l'effet de mes colères. Ouais combien de fois j'ai fait le connard et tu te rappelles incontrôlable. Au fond c'est pas connard et les souvenirs sont plus trop là. Putain je les vois m'écrire et moi je vis dans un pull trop large. Regarde la vie qu'on mène, j'ai du poids sur les épaules. Regarde la vis qu'on met pour resserrer les liens des pauvres. J'ai vu que la mort ça rassemblait. Mais merde on se voit jamais, on me dit d'appeler ça rassemblème. Alors cessez toutes ces palabres. Toute l'année je suis tout seul quand j'ai des soucis t'es pas là. Quand j'ai des soucis t'es pas là. Quand j'ai des...